Spinoza le dit clairement dans la préface de la deuxième partie de l'Éthique. Ce livre est un manuel de béatitude. Attention, spoiler ou divulgachage. À la fin du livre, à la toute fin de la cinquième partie, le lecteur découvre que la béatitude n'est pas une récompense, mais la vertu même. La béatitude, une vertu ? Mais qu'est-ce qu'une vertu quand le bien et le mal n'existent pas, comme nous l'a répété Spinoza au cours des 400 pages précédentes ? Comment l'obtenir ? Et surtout, quelle différence entre la béatitude et la joie ? Allez, aujourd'hui, on ne garde pas le meilleur pour la fin, on commence avec. Hey, fare thee well, land of cotton lands out of style, honey child, jump for joy. Don't you grieve, little Eve, all the hounds I do believe have been killed, ain't you thrilled, jump for joy. Have you seen pastures groovy? Green pastures was just a Technicolor movie. When you stomp up to heaven and you see old St. Pete, I tell that boy to jump for joy. Step right in, give Pete some skin and jump for joy. Hey, fare thee well, land of cotton lyles out of style, honey child, jump for joy. Don't you grieve, little Eve, all the hounds I do believe have been killed, made you thrill, jump for joy. Bonjour Julie Henry. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'École normale supérieure de Lyon, spécialiste de la philosophie spinoziste, auteur de Spinoza, une anthropologie éthique, variations affectives et historicité de l'existence aux éditions Classic Garnier. Est-ce que la lecture et l'étude de Spinoza vous rendent heureuse? Surtout joyeuse? Joyeuse ou béate, pour reprendre. Ah voilà, déjà la distinction. C'est une grande question. En tout cas, la philosophie de Spinoza, sa pratique, sa méditation, donne beaucoup à penser, donne beaucoup à s'épanouir, on dirait, à être affecté de diverses manières à la fois, avec à la fois cette idée que ce paradoxe que vous avez soulevé dès votre introduction, qui est que est-ce qu'on est joyeux du même mouvement de pratiquer la philosophie ou est-ce que ça nous mène vers la joie, voire vers la béatitude? Alors, j'ai dit qu'on commencerait par la fin et c'est vrai. La question de la béatitude apparaît au tout dernier livre de l'éthique, mais commencer par la fin, en réalité, c'est aussi pédagogiquement assez utile, Julie Henry. Je le dis, on ne va pas choquer les spinozistes les plus rigoureux, les plus orthodoxes, parce que finalement, la béatitude, c'est quand même la clé de voûte de ce texte. Oui, et c'est intéressant que vous mentionniez ce terme de pédagogie parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la cinquième partie de l'éthique, où en fait, quand Spinoza parle de l'éternité, il dit l'éternité n'a pas commencé, par définition, elle ne peut pas avoir de début dans le temps, et en même temps, nous allons faire comme si elle avait un commencement. Nous allons faire comme si elle avait un commencement parce que c'est cela qui nous permettra en fait d'envisager ou de mieux faire comprendre le cheminement qui nous permet en fait de cheminer vers cette béatitude. Donc je pense en effet c'est une très belle idée de commencer par la fin. En effet c'est peut-être pas un spoiler mais c'est la façon de revenir à ce qui précède de façon vraiment intéressante parce que la fin nous fait comprendre tout le chemin sur lequel nous a accompagné Spinoza pendant toutes les autres parties de l'éthique, pendant les quatre premières parties de l'éthique. Et si ça nous le fait comprendre, c'est précisément que la béatitude n'est pas, vous l'avez dit, la récompense de la vertu, mais la vertu même. Ça nous fait comprendre justement que la fin, c'était pas quelque chose qui était au loin, devant nous, qu'on espérait peut-être atteindre un jour, qui sait, probablement pas en cette vie, mais peut-être après notre mort, etc. Mais que finalement, c'est quelque chose qui nous avait accompagnés tout le long du chemin. Et c'est peut-être ça le premier lien entre la joie et la béatitude. Si la joie, c'est le passage à une perfection supérieure, et bien justement, elle nous a accompagnés, cette joie, tout au long du chemin, avec cette idée que la béatitude n'est pas ce dans quoi on va s'arrêter, comme s'il y avait une sorte de mouvement et qu'après on se posait et on était en repos éternel mais au sens, vous voyez, un peu fixe comme ça, un peu arrêté, mais quelque chose peut-être qui nous avait guidé, qui nous guide encore d'ailleurs, tout au long de ce livre et même jusqu'à l'issue de ce livre d'ailleurs. Parce que finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la fin de l'éthique, c'est aussi comme si c'était un début finalement. Ça nous invite à continuer quelque part cette fin de l'éthique. C'est pas un point final, ce que je voudrais dire. Tout à fait, c'est le début d'autre chose et peut-être de ce qui était déjà là mais qu'on ne voyait pas et peut-être à l'issue de la lecture de l'éthique avons-nous davantage les moyens de voir et peut-être d'atteindre cette béatitude. On va essayer de la définir ensemble parce que c'est assez compliqué. Le terme lui-même n'est pas beaucoup employé. On ne sait pas trop ce que ça signifie la béatitude. On entend le fait d'être béat. Et je vous propose pour ce faire de laisser la parole à Spinoza et d'écouter la toute fin donc de l'éthique dans lequel il définit ce qu'est cette béatitude et vous nous aiderez ensuite à comprendre le texte, Julien-Henri. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même. Et ce n'est pas parce que nous contrarions les appétits lubriques que nous jouissons d'elle, mais au contraire, c'est parce que nous jouissons d'elle que nous pouvons contrarier les appétits lubriques. J'en ai fini par là avec tout ce que je voulais montrer concernant la puissance de l'esprit sur les affects et la liberté de l'esprit. D'où il appert combien le sage est fort et vaut mieux que l'ignorant qui agit par le seul appétit lubrique. L'ignorant, en effet, outre que les causes extérieures l'agitent de bien des manières et que jamais il ne possède la vraie satisfaction de l'âme, vit en outre presque inconscient et de soi et de Dieu et des choses. Et dès qu'il cesse de pâtir, aussitôt il cesse d'être. Alors que le sage, au contraire, considéré en tant que tel, a l'âme difficile à émouvoir, mais conscient et de soi et de Dieu et des choses avec certaines nécessités éternelles, jamais il ne cesse d'être. Mais c'est pour toujours qu'il possède la vraie satisfaction de l'âme. Si maintenant l'on trouve très difficile le chemin que j'ai montré y mener, du moins peut-on le découvrir. Et il faut bien que ce soit difficile ce qu'on trouve si rarement, car comment pourrait-il se faire, si le salut se trouvait sous la main et que l'on put le découvrir sans grand labeur, que tous ou presque le négligent. Mais tout ce qui est remarquable est difficile, autant que rare. Ainsi se termine l'éthique avec cette phrase « Mais tout ce qui est remarquable est difficile, autant que rare », comme pour signifier le prix, la valeur de cette découverte qu'il nous offrait à ce moment-là du livre. Il fait la distinction. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce texte. On va prendre le temps de le faire. D'abord, les auditeurs auront remarqué qu'il distingue le sage de l'ignorant. Alors, personne ne se considère comme sage. Ça veut dire qu'on est forcément ignorant. Jusqu'où cette distinction est-elle une distinction de nature? Ou alors, au contraire, est-ce que c'est une question de degré? Est-ce que les ignorants que nous sommes, eh bien, peuvent prétendre à accéder à ce statut de sage? Je pense en effet, comme vous venez de dire, que ça peut pas être considéré comme une différence de nature, notamment comme s'il y avait ceux qui sont par définition ignorants et qui le resteront toute leur vie, et ceux qui seraient, comme je disais tout à l'heure, installés, si je puis dire, dans leur sagesse, comme sur un trône, et qui pourraient aussi s'y reposer. Ce que je trouve vraiment très intéressant, en fait, dans la toute fin de ce texte, c'est que Spinoza parle de chemin ou de voie. Donc en fait, ce qu'il nous a montré, c'est pas ce à quoi on doit ressembler et après à nous en fait de devoir rejoindre en fait ce modèle qu'il nous aurait montré. C'est une forme de voie dans laquelle on peut entrer, dont il dit qu'elle est difficile et elle est difficile aussi pour les sages. C'est pas quelque chose qui serait tout à fait spontané à certains et puis qui serait tout à fait inaccessible à d'autres. Et d'ailleurs, quand il parle des sages dans la cinquième partie de l'éthique, il dit ils ne connaissent guère le trouble intérieur. Guère voulant dire qu'ils le connaissent quand même. Donc ils restent quand même des êtres humains qui ont des émotions, qui ont probablement des moments de doute, qui ont probablement des moments, je dirais pas de faiblesse, mais en tout cas des moments où ils peuvent se laisser un peu submerger peut-être par leur passion. Et pour être sage, ils n'en sont pas moins hommes. Oui, j'aime beaucoup cette phrase. Pour être sage, ils n'en sont pas moins hommes. Ça pourrait être l'épitaphe de l'éthique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les deux, si vous voulez. Il y a à la fois le fait qu'ils sont hommes, nous sommes tous hommes et nous pouvons tous cheminer vers une certaine sagesse. Et en même temps, il utilise le mot de sage et il dit dans le scoli de cette dernière proposition de l'éthique que le sage et l'ignorant ne se valent pas l'un l'autre quand même. Ce qui ne veut pas dire en fait que les ignorants seraient des sous-êtres humains, que ce qui ne serait pas digne de l'être humain. Tout fait partie de la nature. Dans le traité théologico-politique, Spinoza dit que l'ignorant a autant le droit de vivre selon son ignorance que le sage selon sa sagesse. Mais il est vrai en fait que c'est comme s'il nous invitait à faire un certain chemin, il nous invitait comme ça à cheminer avec lui. Je crois que c'est Ariel Suami qui dit, il nous prend comme par la main, notamment quand il utilise le « nous » dans le pronom personnel « nous » dans l'éthique. Il nous donne l'impression que finalement, on fait partie un peu de la même communauté et qu'on peut comme ça progresser avec lui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est absolutisé ou substantifié. Il n'y aurait pas d'un côté le sage et de l'autre l'ignorant. Ça, c'est un souci constant chez Spinoza. On parlait des écrits politiques. Hier, avec Céline Hervé, hein, on commentait le traité politique et le traité théologico-politique, et notamment la question de savoir si le rôle de l'État était de garantir la liberté ou d'assurer la sécurité, une tension qui traverse la vie politique jusqu'à aujourd'hui et surtout en ce moment. Et on a insisté sur la volonté de Spinoza de prendre en compte l'homme tel qu'il est. Il n'en fait jamais ni un dieu, ni un animal. C'est vraiment un homme avec toutes les passions qui le composent. Et il y a comme un décalage entre ce souci-là, finalement très réaliste, et de l'autre, un point quand même là-dessus, et de l'autre avec la forme même de l'éthique, qui est une forme, c'est-à-dire que Spinoza le dit dès le départ, il veut procéder en géomètre. Il y a quelque chose de très logique, de très géométrique, et presque aride, qui semble ne pas coïncider avec ce que nous sommes, puisque nous ne sommes pas faits uniquement de raison et de logique. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai l'impression que dans l'éthique, il y a un peu une sorte de double registre. C'est vrai qu'il y a ces axiomes, ces postulats, ces propositions, ces démonstrations qui donnent quelque chose d'assez froid, pourrait-on dire. En même temps, c'est assez logique dans l'idée de Spinoza qu'il dit que finalement, les passions humaines, elles pourraient s'étudier comme les phénomènes naturels. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de dire... Il y a une logique dans la façon dont nous fonctionnons, donc il ne s'agit pas, ça ne sert à rien, de rire des hommes, de les mépriser, etc. Ils sont ce qu'ils sont. De même que les gros poissons mangent les petits, les hommes sont ce qu'ils sont. Et en même temps, je trouve que dans les scolies, avec les exemples qu'il prend, des fois des exemples du commun, la poule dans le poulailler du voisin, la pomme que je tiens, etc. Je trouve qu'il y a une façon de rendre sensible un discours qui pourrait nous sembler ne pas s'adresser à nous. C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait ce double mouvement dans l'éthique. Et d'ailleurs, quand on regarde la dernière proposition dont on a entendu lecture, où il est question de sagesse, d'éternité, etc., on voit que la proposition juste précédente, enfin, le scoli dit « la conduite droite de la vie n'a pas égard qu'à l'éternité ». Donc du coup, on voit de la même façon que dans le traité théologico-politique, il va dire « il y a en fait une forme de salut par l'obéissance ». Donc on a le sentiment qu'il y a à la fois en fait cette attention aux hommes, à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils ne peuvent pas faire, et en même temps toujours cette exigence, mais une exigence qui est, je trouve aussi, une attention forte portée à l'être humain et à ses ressources, de dire « on peut quelque chose ». Quand bien même on est dans une forme de déterminisme, quand bien même on n'est qu'une partie de la nature, quand bien même on est déterminé par nos affects, on peut quelque chose. On peut entrer sur cette voie qui est ardue, mais que je vous ai montrée, et c'est bien la preuve qu'on peut y entrer. Et si on le peut, c'est grâce à la raison. Alors, ah, si vous on semblez peut, hésiter. N'est-ce pas la raison qui nous conduit vers cette sagesse? Le travail de la raison? Oui, en effet. Si on parle de sagesse, si on parle de béatitude, il y a en effet quelque chose qui est très fortement lié à la raison. Ne serait-ce que c'est d'un même mouvement, en fait, qu'on se connaît soi-même, qu'on connaît la nature, qu'on connaît le monde, qu'on connaît ses propres affects, et donc qu'on peut apprendre aussi progressivement à agir autrement. Et puis, en même temps, comme je disais tout à l'heure, mais c'est un peu moins apparent dans la cinquième partie de l'éthique, il y a aussi quelque chose à espérer de l'obéissance, quelque chose qui peut être mis en place par les lois, quelque chose qui peut être mis en place par les parents, par les maîtres. Dans un premier temps, on n'en comprendra pas forcément la raison, mais en suivant la voie qu'on nous indique comme ça, on aura quand même une forme de chemin. Mais en effet, vous avez raison, pour ce qui est de l'ordre de la sagesse, de l'éternité, c'est quand même fortement lié à la connaissance, en effet, à la raison. Et au travail de la raison. Alors, vous avez prononcé un terme, et d'ailleurs Spinoza l'emploie, sur lequel je voudrais qu'on rebondisse parce qu'il va nous aider à commencer à définir ce que c'est que cette béatitude, c'est le terme de salut. Il écrit dans ce qu'on a entendu, hein, comment pourrait-il se faire si le salut se trouvait sous la main et que l'on puisse le découvrir sans grand labeur, que tous ou presque le négligent. Le salut semble désigner un au-delà. Le salut a une connotation religieuse. Le salut, c'est ce qui, après la vie, va nous sauver, justement. Ça implique un au-delà, ça implique une forme de transcendance. Or, il n'y a pas plus immanentiste que Spinoza, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'au-delà. Ce qui existe, c'est ce que nous sommes, c'est ce qu'il y a sous nos yeux. Et donc, le terme même de salut semble contradictoire ici. Oui, c'est vraiment une des grandes difficultés, je trouve, quand on lit Spinoza, c'est que par rapport aux références que l'on a à l'esprit, à la connotation des termes qu'il utilise, on est sans cesse obligé de faire une espèce de travail de traduction systématique. De la même façon, béatitude, ça a aussi un sens tout à fait religieux. Et là, en effet, ça pourrait sembler un peu paradoxal parce que, de la même façon, s'il dit « la béatitude n'est pas la récompense de la vertu », ah bon, oui. pourrait-on se dire ? Parce que quand même, dans les représentations courantes de la religion, l'idée pourrait être de se dire « je vais essayer de bien agir en cette vie pour espérer par la suite, post-mortem, pour espérer atteindre une certaine béatitude et accéder à une forme d'éternité ». Et là, c'est tout le paradoxe, c'est qu'en fait, la béatitude et la vertu vont dans le même mouvement. Et je pense que si justement on rapporte, parce que béatitude, éternité, salut, tous ces termes vont ensemble, et justement, je trouve que ça se comprend relativement bien, enfin un peu moins difficilement, disons, si on s'attache au terme d'éternité, parce qu'il y aurait quelque chose de paradoxal à se dire « je vais accéder après ma mort à l'éternité ». Parce que l'éternité est censée avoir ni avant ni après. Donc en fait, on n'est vraiment pas dans la perspective de se dire « je vais en fait, en cette vie présente, me restreindre, m'empêcher de faire les choses que j'aurais envie de faire, mener une vie de contraintes, de restrictions, parce que par la suite, je vais espérer, au prix de cette servitude dans la vie présente, je vais espérer accéder à autre chose ». Et finalement, c'est une façon de transformer l'éternité en une espérance après la mort, parce qu'on a peur de mourir, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Et donc, on a cette espérance, en fait, où ça se poursuit derrière. Et là, en fait, on a quelque chose qui est de l'ordre de, qui est tout aussi paradoxal, vous allez me dire, qui est de l'ordre de la rencontre de l'éternité en cette vie. Mmh. C'est-à-dire que c'est en cette vie que je peux, en fait, acquérir une certaine sagesse, c'est en cette vie que je peux faire quelque chose pour moi, et c'est en cette vie, non pas que l'éternité va commencer, ça c'est la fiction pour nous aider à le comprendre, mais que je vais rencontrer cette éternité qui, par définition, est là de toute éternité. D'où la fiction pédagogique de Spinoza au sein de l'éthique, parce que je suis en train de vous montrer le chemin pour la rencontrer, on va faire comme si elle avait commencé. Donc la béatitude n'est pas concevable sans l'éternité. Atteindre la béatitude, c'est entrer dans l'éternité. Eh bien, si on voulait dire les choses ainsi, la béatitude, c'est une sorte de joie éternelle, en fait. De joie éternelle. Oui, alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts par, par quelques grands commentateurs en utilisant ces termes, mais comme la joie, c'est toujours le passage à une perfection supérieure, et que la béatitude, c'est la perfection, c'est comme si la béatitude, c'était une forme de joie entrée dans l'éternité, en fait. C'est-à-dire, c'est une joie qui une joie qui ne connaîtrait plus de variation, qui ne pourrait plus connaître d'augmentation, parce qu'elle serait, en fait, elle-même perfection. D'où cette grande question de savoir si on peut rencontrer la béatitude en ce monde, qui, à mon avis, du coup, comme je le disais tout à l'heure, ne peut se comprendre qu'à la condition de se dire « oui, mais de la même façon qu'on rencontre l'éternité ». C'est-à-dire pas quelque chose en fait qui se construit par degrés, mais quelque chose qui est de l'ordre en fait de la rencontre, je dirais. Parce que si on rapporte l'éternité à la durée, et si on rapporte la béatitude à la joie, on en fait de nouveau en fait quelque chose de quantitatif. J'ajoute petit à petit, et de plus en plus de temps cumulés ensemble, ça donne l'éternité. Alors que l'éternité n'a pas de rapport avec le temps au sens de ce qu'il peut avoir un avant, un après, un moins ou un plus. Il va être difficile de continuer à définir la béatitude sans définir ce qu'est la joie. Pour ce faire, je laisse la parole à un autre professeur de philosophie qui s'appelle Gilles Deleuze. La joie, c'est tout ce qui consiste à remplir une puissance. Mais alors, c'est le mot puissance qui est équivoque. Au contraire, la tristesse, c'est quoi? C'est lorsque je suis séparé d'une puissance dont, à tort ou à raison, je me croyais capable. Ah, j'aurais pu faire ça. Il faudrait dire, toute tristesse est l'effet d'un pouvoir sur moi. Je veux dire, la méchanceté, c'est quoi? C'est empêcher quelqu'un de faire ce qu'il peut, d'effectuer sa puissance. Si bien qu'il n'y a pas de puissance mauvaise, il y a des pouvoirs méchants. Le pouvoir sépare toujours les gens qui y sont soumis de ce qu'ils peuvent. C'est de là que part Spinoza. Se réjouir, c'est se réjouir d'être ce qu'on est, c'est-à-dire d'être arrivé là où on en est. C'est le plaisir de la conquête, comme disait Nietzsche. Mais la conquête, ça ne consiste pas à servir des gens. La conquête, c'est par exemple pour un peintre conquérir la couleur. Oui, ça c'est une conquête. Ouais. Là, c'est la joie. Toute chose qui augmente ou diminue, aide ou réprime la puissance d'agir de notre corps, l'idée de cette même chose augmente ou diminue, aide ou réprime la puissance de pensée de notre esprit. Scoli. L'esprit peut pâtir de grands changements et passer à une perfection tantôt plus grande, tantôt moindre. Et ce sont ces passions qui nous expliquent les affects de joie et de tristesse. Par joie, j'entendrai donc une passion par laquelle l'esprit passe à une plus grande perfection. Et par tristesse, une passion par laquelle il passe à une perfection moindre. De plus, l'affect de joie, quand il se rapporte à la fois à l'esprit et au corps, je l'appelle chatouillement ou allégresse. Et celui de tristesse, douleur ou mélancolie. Mais il faut noter que chatouillement et douleur se rapporte à l'homme quand une de ses parties est affectée plus que les autres, tandis qu'allégresse et mélancolie s'y rapportent quand toutes sont affectées à égalité. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Spinoza cette semaine. On essaie d'examiner les malentendus spinozistes qui sont restés célèbres aujourd'hui en compagnie de la professeure de philosophie Julie Henry. Vous avez entendu Gilles Deleuze qui, dans l'abécédaire, définit la joie, la distingue de la tristesse. Il explique que c'est une affaire de puissance et qu'il distingue bien du pouvoir. Voilà qu'on revienne sur cette distinction. Et puis le texte de Spinoza lui-même, vous avez entendu. 11e proposition de la 3e partie de l'éthique. Je remarque un terme ici, c'est la traduction de Bernard Potra, il parle de chatouillement. Et je trouve que c'est peut-être une bonne manière de reprendre le problème, Julie Henry, parce que le chatouillement a ceci de positif, qu'il évoque tout de suite quelque chose, et en plus quelque chose de corporel. On est peut-être déjà, on s'approche d'un degré vers la joie, non, avec le chatouillement? Oui, en effet, le chatouillement en plus est couramment associé au rire, donc il doit y avoir quelque chose de cet ordre. Oui. Je trouve que le terme latin est assez parlant aussi, c'est titillatio. Oui. Et du coup, quelque chose en fait qui vient nous titiller. Alors, titiller du côté de la joie, en effet, comme le chatouillement. Par contre, comme ça se rapporte uniquement à une seule partie du corps, de même que le chatouillement, au sens courant du terme, ça peut avoir quelque chose d'un tout petit peu agaçant, au sens où ça vient un tout petit peu trop solliciter une seule partie, quelque part au détriment des autres. Donc il y a à la fois cette idée qu'on est du côté, je reprends le terme de Gilles Deleuze, vraiment de la question de la puissance, quelque chose qui s'exprime, oui, quelque chose qui se déploie, et en même temps, avec le chatouillement, Ça se déploie, mais de façon un peu trop localisée, si je puis dire. Et donc, ça nous empêche d'attendre quelque chose comme une joie, une gaieté, une allégresse, quelque chose qui serait un peu plus harmonieux pour l'ensemble du corps. Donc, on pourrait définir la joie comme étant une idée qui augmente ma puissance d'agir. On peut le dire comme ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la joie, c'est vraiment... Et là, de nouveau, on va voir que Spinoza utilise des termes vraiment pas dans le sens habituel, parce qu'il dit la joie, c'est le passage à une perfection supérieure. Et en fait, par perfection, ici, il faut entendre à une puissance d'être et d'agir supérieure. Où on voit que pour Spinoza, l'être et la perfection, c'est la même chose. Non pas au sens en fait simplement où il s'agirait de se contenter de ce qui est, ce qui serait assez paradoxal avec le chemin que nous montre l'éthique, mais au sens en fait où notre être, notre conatus, c'est notre tendance à augmenter notre puissance d'agir. Et en effet, vous avez raison d'insister sur cette distinction, une puissance qui n'est pas un pouvoir. Alors, quelle différence? Oui, il y a une différence importante entre les deux, c'est que le pouvoir, potestas en latin, c'est en général quelque chose qui s'exerce sur. Je vais exercer mon pouvoir sur quelqu'un. Le pouvoir va s'exercer sur les sujets, etc. Les parents vont exercer leur pouvoir sur un enfant, le maître sur l'esclave, etc., etc. Donc en fait, il y a l'idée de prise de possession de l'autre, si je puis dire, ou en tout cas d'exercer sur l'autre quelque chose qui est d'une forme d'autorité, et une autorité qui est pas toujours tout à fait bienveillante d'ailleurs, qui peut l'être mais qui l'est pas forcément. La potentia, la puissance, elle ne s'exerce pas sur, au sens où elle pourrait s'exercer contre, elle s'exerce avec, c'est-à-dire que si j'accrois ma puissance d'être, ça ne se fait pas au détriment de la vôtre. Au contraire, si j'accrois ma puissance d'être, ça veut dire que j'accrois ma capacité à être affectée par vous et à vous affecter, qui fait que ensemble on peut avoir une puissance encore plus grande. Ce qui est plus rare avec le pouvoir. Le problème du pouvoir, c'est qu'il se conquiert en général au détriment des autres. Et la puissance, en fait, c'est quelque chose, c'est vraiment de l'ordre de l'ouverture. Là, je suis en train de faire des mouvements, mais forcément à la radio, ça passe un petit peu moins bien. Mais On on les voit entend bien que presque dans votre voix. la tristesse, c'est vraiment le repli sur soi, être amoindri. Gilles Deleuze le dit très bien, quand quelqu'un est méchant avec moi, ou même si je suis méchant avec l'autre d'ailleurs, c'est une forme d'amoindrissement, comme si vous voyez, on était un peu dévitalisé. Et à côté, en fait, la puissance, elle s'exprime, mais elle s'exprime tout autant qu'elle se partage avec les autres. Il y a vraiment quelque chose de très fort là-dessus dans la philosophie spinoziste. Le vrai bien, la vraie puissance, elle se fait avec autrui, elle se fait pas, elle peut pas se faire au détriment d'autrui. Ça, c'était un point très important parce qu'on pourrait croire justement en lisant l'éthique que le cheminement que Spinoza nous invite à faire, à pas lents, il insiste bien là-dessus, un chemin difficile, ne concerne que soi. Or, non seulement ce que vous dites nous aide à comprendre que les relations avec les autres sont indispensables à l'accès même à cette béatitude, mais aussi que sans eux, la puissance serait inférieure. Et là, je fais référence à un autre texte, qui est le traité de la référence à l'entendement, dans lequel il dit « Le bien véritable et suprême, voilà donc la fin à laquelle je dois tendre, acquérir cette nature humaine supérieure et faire tous mes efforts pour que beaucoup d'autres l'acquièrent avec moi. En d'autres termes, ajoute-t-il, il importe à mon bonheur que beaucoup d'autres s'élèvent eux-mêmes aux mêmes pensées que moi, afin que leur entendement et leur désir soient en accord avec les miens. La notion d'accord avec autrui avec les autres est indispensable à l'acquisition de ce bien véritable et suprême dont il parle. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le début du traité de la réforme de l'entendement, il fait aussi la distinction entre ces biens périssables qui s'acquièrent au détriment des autres et un bien qui serait communicable de lui-même. Dans sa nature même, ce serait quelque chose qui serait communicable. Comment expliquer ça? Vous avez raison, en fait. L'éthique, ça s'adresse en effet à chacun d'entre nous. Mais pas chacun d'entre nous au sens individualiste du terme. Chacun d'entre nous au sens où c'est à chacun de faire le chemin pour lui-même. Mais par contre, il le fera d'autant plus aisément qu'il sera accompagné par d'autres. Et au fur et à mesure qu'il le fera, il aura d'autant plus de convenance, non seulement avec lui-même, mais aussi avec les autres. Vous savez, ça me fait penser au groupe de réflexion éthique dans lequel on dit... Ce qui n'est pas évident, c'est que chacun doit faire le chemin pour lui-même. C'est pas simplement je vous fais une conférence magistrale, je vous dis quelque chose, vous avez juste en fait à le noter, à en prendre l'information. Mais en même temps, ça se fait au sein d'un groupe, ça se fait au sein d'un collectif. C'est-à-dire que on doit chacun faire l'effort. À un moment, il faut passer par le je, J-E, par le chemin personnel. Il faut essayer d'aller entrer dans cette voie. Mais cette voie, c'est tout à fait inconcevable en termes autarciques. C'est-à-dire que, bah, déjà, ne serait-ce que l'éthique, Spinoza nous emmène. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous. Toi, lecteur, je t'emmène. Nous, ensemble, etc. Donc déjà, il y a déjà l'autre du texte, de l'auteur, qui nous accompagne sur la voie qu'il nous montre. Et puis, en effet, plus nous réfléchissons ensemble, plus nous essayons de connaître ensemble, plus nous partageons les idées, plus elles s'accroissent. Je trouve que ça se comprend aussi assez aisément avec les idées. Si j'ai une idée et que je la partage, je ne la perds pas. C'est pas comme un bien matériel exclusif. Et non seulement je ne la perds pas, mais en plus vous allez rebondir sur cette idée qui va enrichir la mienne. Vous voyez, donc on a une forme comme ça de chemin en commun qui peut se dessiner. Et il prend le même exemple lorsqu'il parle de la distinction entre la joie et la tristesse. En fait, la question se pose de savoir comment faire en sorte que les affects liés à la joie soient plus forts, plus importants que ceux liés à la tristesse. Et Spinoza insiste bien sur le fait qu'il est inutile de vouloir se débarrasser de la tristesse et donc des idées qui vont diminuer notre puissance d'être. Au contraire, il faut, dit-il, nourrir les affects qui nous rendent joyeux et même agir de manière à nous rendre joyeux. Il le dit bien, finalement, la puissance d'agir, elle est liée de manière inextricable à notre puissance de penser. Donc nous pouvons choisir aussi d'aller, de favoriser, de privilégier les idées qui elles-mêmes nous rendent joyeux, de manière à apprendre à vivre peut-être avec les idées qui elles nous rendent tristes, sans prétendre les expulser totalement de notre être. Oui, ou en tout cas sans chercher à lutter contre elles. Sans chercher à lutter contre elles. Gilles Deleuze le disait très bien, si j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas très contente, et si je regrette d'avoir fait cette chose, je rajoute de la tristesse sur la tristesse. C'est pas ça qui m'aidera par la suite à faire mieux, parce qu'en fait, je vais avoir des regrets, je vais peut-être avoir de la honte, je vais ressasser ça, et c'est pas ça qui me permettra d'agir autrement. Ça rejoint aussi ce que vous disiez, le fait que le sage continue parfois à connaître le trouble intérieur. Mais la différence, c'est qu'il y a une différence de proportion fondamentale qui fait un effet de seuil et qui change la donne. C'est-à-dire que finalement, les affects de tristesse, ils vont progressivement devenir secondaires. Si j'essaie de lutter contre, je vais encore en rajouter. Je suis en colère, je ne veux pas être en colère, je suis en colère d'être en colère, et c'est une sorte de cercle vicieux comme ça. Si, au lieu de me concentrer sur ma colère, je me dis, je vais échanger avec cette personne avec qui j'aime échanger, je vais lire ce texte qui me nourrit, etc., ça va faire que, comme par surcroît, comme par effet collatéral, les affects de tristesse vont prendre moins de place dans mon existence. Et là, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la béatitude. L'idée, ce n'est pas restreindre les désirs, les plaisirs sensuels, etc., pour réussir par la suite à atteindre la béatitude. C'est si on atteint la béatitude, eh bien, de fait, ça va rendre secondaire tous ces autres affects, au sens où, de fait, ils occuperont moins de place dans notre vie. J'ai presque envie de dire, sans même qu'on ait à y penser, et surtout si nous n'y pensons pas d'ailleurs. Surtout si nous n'y pensons pas. C'est ça aussi la puissance de la joie et des affects de joie. Mais ça peut laisser sceptique un auditeur qui se dirait qu'il ne suffit pas de vouloir être joyeux pour y parvenir. La joie n'est pas une affaire de volonté ni de contrôle. Il y a quand même quelque chose ici de... Alors j'emploierai à nouveau le terme d'aride, mais parce que c'est ce que m'évoque l'espèce d'injonction à être joyeux qu'on trouve aujourd'hui, toute proportion gardée, dans le domaine du développement personnel, où il faut suivre cette voie pour arriver à chasser la tristesse et être joyeux. Il y a quelque chose ici qui, pour le coup, peut apparaître déconnecté de notre réalité empirique, qui sommes en proie à ces passions, à ces affects, et qui ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous fait du bien et essayer de diminuer l'effet négatif des autres choses. Oui, alors vous avez d'autant plus raison que À chercher à être joyeux, en fait, on passe à côté de la joie, je dirais. Parce qu'en fait, d'abord, il y a une sorte de méthode couée qui ne fonctionne pas du tout. Je veux être joyeux, mais il ne suffit pas de le dire pour l'être. En plus, je risque de rencontrer des affects de tristesse. Je veux absolument être joyeux. Il se trouve que je n'y arrive pas et que ça me met très en colère ou ça me rend très triste. Et c'est là, en fait, ce qui est intéressant dans la démarche de Spinoza, c'est que ça passe, la joie ne doit pas être visée comme telle. Parce que justement, comme vous l'avez très bien dit, c'est pas du tout une affaire de volonté ou une affaire comme ça de volontarisme, presque, j'ai envie de dire, en disant je veux absolument devenir joyeux et je vais finir par l'être. Ça passe en fait par des moyens, des rencontres, des occasions, etc., qui font que même la joie, on va la rencontrer par surcroît. Vous voyez, en fait, si on se dit je vais viser la joie, quels moyens je peux mettre en œuvre pour l'atteindre? On est de nouveau dans cette idée que on a une grande cible mise comme ça devant nous au loin, et puis il ne tiendrait qu'à nous, n'est-ce pas, de mettre en place les moyens pour aller vers cette cible. Or, la joie, en fait, elle va se rencontrer comme par surcroît, j'ai presque envie de dire comme par hasard, même si ce serait notre sentiment, mais pas très spinoziste dans l'ontologie. Elle va se rencontrer comme par surcroît au fur et à mesure qu'on essaie de faire certaines choses. Au début de la cinquième partie de l'éthique, Spinoza dit, on pourrait commencer par se proposer quelques règles de vie, et puis par y penser de temps en temps, et puis par les appliquer, et puis progressivement, ce sont ces règles de vie qui vont devenir des habitudes, qui vont nous affecter, et qui vont faire que par la suite, en fait, ce sera devenu une forme de mode d'être et que le reste sera secondaire. Et donc là, ça pourrait être quelque chose comme, selon le contentement que peut trouver chacun, hein, on a des contentements différents les uns des autres, je sais que telle chose, en général, en fait, me procure une forme d'apaisement, quelque chose, bah, je vais le faire, je vais y consacrer un peu plus de temps dans ma journée, je vais essayer de m'y consacrer un peu. Dans un premier temps, ça n'aura pas grand effet, mais à un moment donné, il se passera quelque chose qui fera que, voilà, les affects de joie auront pris un peu le dessus. Mais en même temps, j'entends tout à fait cette critique, cette objection qu'on peut faire de dire, oui, c'est bien gentil de dire les choses ainsi, mais ça se passe quand même de façon un peu plus complexe dans la réalité, et on peut aussi avoir rencontré des choses vraiment difficiles qui font que ça pourrait presque paraître indélicat d'avoir ce type d'approche. Spinoza en tient compte aussi. C'est bien pour ça qu'il dit même le sage, imaginez le sage, il est censé être au niveau de la béatitude et de l'éternité. Même le sage rencontre quelquefois des troubles intérieurs. C'est-à-dire que c'est une philosophie que je trouve exigeante, mais c'est une philosophie qui n'est pas inhumaine. C'est-à-dire que... Non, mais alors je vais le formuler autrement. Est-ce que la joie peut être une affaire de choix? En tant que telle, je ne pense pas. Si l'idée, c'est de dire, je choisis d'être joyeux et donc je le serai, je ne pense pas que ça peut être une affaire de choix. Par contre, ce qui peut être une affaire de choix, c'est de se proposer ou de proposer à autrui, parce que là on parle beaucoup pour soi-même, mais ce sont aussi des amis, des maîtres, des compagnons de route qui vont nous proposer des choses. C'est se proposer et proposer à autrui des occasions qui pourraient être saisies et qui pourraient devenir source de joie. Donc en fait, Spinoza le redit à la fin de l'éthique, hein, le chemin est difficile. Le chemin est difficile, le chemin humain est difficile. On rencontre beaucoup d'embûches et on rencontre beaucoup d'événements contraires. Par contre, ce qui peut être objet de choix, c'est de tenter le chemin. J'ai presque envie de dire de garder espoir. Alors, ce qui peut paraître un peu surprenant, mais dans la troisième partie de l'éthique, Spinoza dit que pour qu'une chose soit possible pour soi, il faut déjà l'imaginer comme possible. C'est pas parce que je l'imagine comme possible qu'elle sera possible. Je peux toujours m'imaginer qu'il est possible de voler, c'est pas pour ça que je réussirai à voler. Mais ce qui est sûr, c'est que si je considère que quelque chose est impossible pour moi, alors ça va le devenir de fait. Donc j'aurais presque envie de dire, il faudrait presque croire en une joie possible, croire en un demain différent. Et c'est ça qui ouvre la possibilité de commencer à mettre en place des choses qui peut-être feront que demain sera possible, un autre demain sera possible, qui peut-être feront que la suite sera joie. C'est pas du tout quelque chose sur quoi on a la main de façon tout à fait aisée. Mais en tout cas, cette idée qu'on peut faire quelque chose est un préalable vraiment important, et je trouve que c'est quelque chose d'assez fort dans la philosophie spinoziste. Imaginez pour soi ce qu'on peut espérer de soi. Alors il faut qu'on en revienne à la béatitude, puisqu'on s'interroge sur la nature même de cette joie, et de savoir si elle relève, si elle est affaire de volonté, si elle est affaire de choix ou non. La béatitude, on l'a dit et on ne l'a pas encore commenté, est une vertu, c'est même la vertu pour Spinoza. Alors qu'entend-il par vertu, puisque dans l'éthique notamment, il insiste sur l'approche, sur son approche qui n'est ni moraliste, ni moralisatrice. Il n'y a pas un bien d'un côté et un mal de l'autre à l'aune desquels il faudrait juger nos actions. Si bien que l'idée même de morale semble étrangère à Spinoza, et pourtant il prononce le terme de vertu. Alors qu'est-ce que c'est que la vertu s'il n'y a pas de cadre moral, Julie Henry? Oui, c'est toute la difficulté de comprendre, c'est un peu ce sur quoi on bute, ou je bute en tout cas depuis le début, c'est-à-dire la difficulté de comprendre en fait le fait que la philosophie spinoziste est une philosophie qui étudie ce qui est et en même temps qui propose un autre chose possible. C'est-à-dire qu'il y a quand même, ce livre s'appelle L'éthique, ce qui montre quand même qu'il y a une éthique possible dans ce contexte. Ce qui est sûr, c'est que, vous l'avez dit, la vertu ne peut pas être entendue en un terme moralisateur, au sens où ce serait, par exemple, se priver de certains plaisirs d'essence, se restreindre à une forme de vie ascétique. Que, quand on parle de la sagesse, dans la quatrième partie de l'éthique, Spinoza dit du sage qu'il est un homme sage de manger des aliments et des boissons variées, d'avoir recours à la musique, aux plantes verdoyantes, au jeu du corps, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui est pensé sous forme d'ascèse. Et surtout, j'y reviens une fois encore, excusez-moi, ce n'est pas pensé en termes de ce qu'on doit faire en ce moment, presque malgré soi, parce que c'est quelque chose de difficile, en espérant quelque chose d'autre par la suite. En fait, Spinoza dit que ce qui est bon, c'est ce qu'on sait être utile pour soi. Non pas ce qu'on croit être utile pour soi, c'est bien la difficulté, c'est qu'on se trompe souvent sur ce qu'on pense être utile pour soi, mais ce qu'on sait être utile pour soi, et ça veut dire quoi, quelque chose qui est utile pour moi? Ça veut dire quelque chose qui va dans le sens de ma puissance d'agir. Quelque chose qui convient avec ma nature, qui convient avec ce que je peux faire pour être affecté de plus de manières à la fois, pour connaître, comprendre plus de choses à la fois. Il est là le lien profond entre la vertu et la béatitude. Parce que si est bon ce qui effectivement va dans le sens de ma puissance d'agir et non pas d'un pouvoir exercé sur autrui, puisque augmenter ma puissance d'agir, c'est un affect de joie. Donc, j'ai presque envie de dire, comme par surcroît, comme une cerise sur le gâteau, si je puis dire, la joie, en un sens progressif, ou la béatitude, en un sens éternel, viennent couronner, en fait, cette augmentation de la puissance. Donc, c'est pas non plus tout à fait un laisser-aller, tout ce qui est bon de fait, etc. Parce qu'il y a quand même une recherche de vraiment ce qui va dans le sens de notre nature, de notre connaissance, qui va dans le sens d'un bien qui puisse être partagé avec les autres, etc. Mais en effet, cette vertu, elle est puissance. Cette vertu, elle est expression, elle est déploiement de son être. Et donc, cette vertu, elle est aussi joie, dans le même mouvement. Ou béatitude, si on pense en un terme achevé. Oui, il écrit « Si la joie consiste dans le passage à une perfection plus grande, la béatitude doit consister pour l'âme dans la possession de la perfection elle-même. » Donc, il ne s'agit plus ici d'une affaire de degré, mais c'est de posséder la perfection elle-même, sachant que Spinoza écrit aussi par ailleurs « Réalité et perfection, c'est la même chose pour moi. » Donc, si je le suis bien, si la béatitude, c'est être dans la possession de la perfection, en fait, la béatitude, c'est être dans la réalité elle-même, puisque la réalité est perfection. En tout cas, c'est être. C'est être au sens fort et au sens plein du terme. Et là, on peut de nouveau rebondir sur ce que disait Gilles Deleuze tout à l'heure. Quand je suis triste, je suis moins. Ou je suis moins intensément. La tristesse, c'est une diminution de mon être. Ici, je pense que par réalité, Il ne faut pas forcément entendre la réalité quotidienne qui m'entoure telle quelle, mais en tout cas, c'est quelque chose d'immanent et c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'être, mais sachant que mon essence même, c'est tendre à être plus. Alors encore une fois, il faut bien entendre ça, pas être plus au sens écraser les autres parce que j'exercerai mon pouvoir sur eux, mais être plus au sens où je peux déployer plus de puissance d'être. Je peux partager cette puissance d'être avec les autres. Et donc, ensemble, on peut tous ensemble constituer un individu encore supérieur, dit-il dans la deuxième partie de l'éthique. Donc, en effet, la béatitude, ça a quelque chose à voir avec l'être dans sa plénitude, je dirais. Quelque chose de ce type, c'est-à-dire la réalité, mais au sens de l'être qui nous constitue, du fait que on a réussi à agir de manière qui convienne avec cet être qui nous constitue et qui conviennent en fait avec un accroissement de cet être et de notre puissance d'être qui est dans le même mouvement une puissance d'être et une puissance d'agir, une puissance de penser. Mais il y a un présupposé très fort dans la position spinoziste qui est que la réalité ou l'être, le fait d'être ou même l'être, est quelque chose que j'aime. Il faut avoir, comment dire, il faut aimer être, il faut aimer la réalité pour avoir envie d'augmenter sa puissance d'agir. Il y a quand même ce présupposé d'une valorisation de l'être même qui ne va pas de soi, en fait, pardonnez-moi. Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a une valorisation de l'être, de la puissance, de l'affirmation, même une idée. Une idée, dit Spinoza, ce n'est pas une description sur un tableau, mais c'est une puissance d'affirmer. C'est vrai qu'il y a quelque chose, je reviens à la question que vous posiez tout à l'heure, il y a quelque chose presque des fois on peut avoir l'impression un peu de volontariste, ou en tout cas de très affirmant comme ça, à mettre en avant l'être, la puissance, etc. Mais à ce sujet, c'est vrai que c'est quelque chose, me semble-t-il, qui est assez peu remis en question par Spinoza. On est action, notre pensée est action, on est puissance d'être. Et d'ailleurs, dit-il, quelqu'un qui se suicide ne peut le faire que parce que les causes extérieures ont pris le pas sur sa puissance d'être. Donc il n'y a pas l'idée en fait que en toute connaissance de cause, en toute conscience et j'allais dire en toute acceptation, on puisse agir à l'encontre de soi-même. Oui, c'est ça. Si j'agis à l'encontre de moi-même, c'est que je voulais agir dans le sens de ce qui m'est profitable et que je me suis trompée de moyens. Je crois en effet que ce présupposé n'est pas remis en question. C'est vraiment une affirmation de départ forte, c'est-à-dire que nous sommes dans le même mouvement, être, penser, action, affirmation. Et quand on va à l'encontre de l'être ou de sa puissance d'être, pour Spinoza, c'est qu'une cause extérieure prend le pas sur nous, tout à fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la prise en compte d'une, pas seulement d'ailleurs d'une forme de dégoût de l'être ou de l'existence, mais même de neutralité. Nous pouvons ne pas ressentir de l'amour pour le fait d'être en vie. Enfin, je dis de l'amour, ça peut être du désir, mais quelque chose, un affect positif qui me fait valoriser ma propre situation. Et là, c'est vrai. Bon, après, c'est des présupposés qui traversent chacune des œuvres dans l'histoire de la philosophie. On peut dire que celui-ci, c'est celui de Spinoza. Voilà. Oui, alors moi je trouve que c'est un présupposé très puissant en tant que spinoziste, ça m'a toujours beaucoup frappé ce présupposé qui porte vraiment vers la vie. Mais en effet, je m'étais jamais posé la question de cette façon, mais c'est vrai que le terme de neutralité s'accorderait assez mal avec la philosophie spinoziste, parce que finalement, ne serait-ce même que s'arrêter dans un état. C'est-à-dire que soit on est dans une forme d'augmentation de notre puissance d'être et que c'est de la joie, soit on est une forme dans un amoindrissement et c'est de la tristesse. Mais finalement, il y a toujours du mouvement. Il y a toujours du mouvement et en effet, l'accroissement de la puissance d'être est toujours associé à de la joie. C'est-à-dire que, en fait, je dirais même que il n'y a pas énormément de place pour le repos, des fois. Je me faisais cette remarque une fois dans la philosophie spinoziste. Oui. Simplement pour le repos. Alors, si ce n'est la béatitude, mais il faudrait déjà s'y être, qui pourrait être une forme de repos dans la béatitude ou dans l'éternité. Mais sinon, c'est vrai en fait que être, c'est tendre à affirmer sa puissance d'être. On n'est pas simplement être, n'est pas un état passif en fait. Et quand Spinoza parle de passivité, il parle de les causes extérieures qui prennent le pas sur nous. Il n'y a pas de cette idée de passivité choisie, si je puis dire les choses ainsi. C'est-à-dire, je me repose dans une sorte d'état passif, en fait. Pour continuer à être, il faut continuer à développer sa puissance d'être. Oui, en effet, neutralité et repos ne sont pas des termes qui résonnent à la lecture des textes de Spinoza, ce qui est à la fois extrêmement enthousiasmant et peut-être parfois un peu fatigant, en effet. Eh bien, il est temps d'arrêter. Alors, merci beaucoup, Julie-Henri. On va essayer, nous, d'en trouver un petit peu du repos, même si le repos n'est pas forcément contradictoire avec le fait de continuer à devenir et à aller de l'avant. Merci beaucoup de vous être prêtée au jeu de cette émission depuis chez vous, Julie-Henri, ce matin. Merci beaucoup à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. La semaine passée, la nuque longue de Jean-Luc Mélenchon a fait beaucoup parler d'elle. Comme tout Français privé de coiffeur depuis le 16 mars, on a bien compris qu'il jouait lui aussi le jeu de la quarantaine et n'était pas au-dessus des lois. Mais au-delà de cette courte analyse de communication politique, ces quelques centimètres de cheveux en plus disent bien quelque chose. La crise que nous vivons n'est pas seulement sanitaire, mais aussi capillaire, voire esthétique. Comment le Covid-19 a-t-il bouleversé le regard sur nous-mêmes ? Nous n'allons pas voter ce qui nous est proposé. Non en raison de votre personne, Monsieur le Premier ministre, ni même de l'idée que nous nous faisons de votre action. Nous sommes certains que vous faites pour le mieux. Mais nous ne partageons ni vos diagnostics, ni le système d'action que vous avez choisi. Comme beaucoup, j'ai moi aussi été autant happé par les cheveux longs de Jean-Luc Mélenchon que par son discours. Certains l'ont comparé au tennisman André Agassi, version années 90, d'autres y ont vu la fatalité de la fermeture des coiffeurs, se passant eux-mêmes une main dans leur crinière laissée à l'abandon, mais le constat était là, l'insoumis arboré une coupe mulet. La coupe mulet est un sujet assez fascinant. Elle a ses chansons, ses détracteurs et ses fans, et son article Wikipédia. Et comme tout signe extérieur dépassé, les magazines se demandent régulièrement si, en vertu du cycle de la mode, elle va redevenir un usage acceptable, voire désirable. Car le mulet, qui se porte court devant sur le front et les tempes et long derrière, est le symbole capillaire de la ringardise. C'est la coupe des footballeurs des années 80, des rednecks américains ou des Allemands qui portent des chaussettes dans leurs claquettes. mais pas des personnes de bon goût. Voilà, arborer une telle coupe, volontairement ou non, c'est être suspecté de mauvais goût, d'indifférence ou pire, d'infraction au code d'honneur capillaire. Ce n'est pas un acte neutre, au contraire, c'est un acte notable, sérieux en termes de représentation extérieure. Mais que faire quand c'est la situation qui impose le mulet et non l'inattention ou un choix émanant de soi? On peut trouver ce problème dérisoire, mais c'est une vraie question et beaucoup plus large. Que faire quand ce que l'on montre de soi, cheveux ou habits, ne vient précisément plus de soi? Question de Sandra pour débuter. Quels sont vos conseils pour donner une petite fraîcheur à mes cheveux qui n'ont pas vu un seul coiffeur en 2 mois? Franck Provost, quand on sait que nos cheveux poussent d'environ 1 cm par mois, on fait comment pour ressembler à quelque chose à la fin de ce confinement? Écoutez, moi, pour l'instant, les salons sont fermés pratiquement depuis 1 mois et demi. Je pense qu'il faut encore patienter 15 jours et pas prendre de risques. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, le meilleur conseil que je puisse vous donner. Quand on suit l'actualité du Covid, le nombre de morts par jour, les soignants plus que sous tension, la détresse des personnes isolées, on ne peut que trouver que la question de l'apparence, des cheveux, des habits ou de l'épilation est une question dérisoire. C'est pourtant l'un des sujets les plus abordés sur les réseaux sociaux ou dans les discussions personnelles. Elle reste, c'est vrai, une simple préoccupation et pas une information de premier ordre. Mais d'ailleurs, pourquoi pas? Pourquoi la question de l'apparence ne serait-elle pas décisive? C'est une chose que je me suis souvent demandé. Pourquoi l'apparence devrait-elle toujours être mise de côté, condamnée pour sa duplicité ou sa superficialité, jugée pour l'importance excessive qu'on lui accorde alors qu'elle ne serait qu'une surface, que le jouet de notre ego surdimensionné ou au contraire de notre faiblesse de caractère influencée par les tendances? Car de fait, cette crise, comme toute situation grave qui nous touche physiquement, n'est pas seulement psychologique, éthique, médicale ou politique, elle est aussi esthétique. Paradoxalement, on va rire de la nuque longue de Mélenchon, et on peut, on va se moquer de ces personnes qui veulent s'épiler ou dont le premier rendez-vous pris est chez le coiffeur, mais c'est aussi, et même d'abord en surface, à nos cheveux, à nos masques ou à nos gants que cette crise se voit. Ce qui est important, c'est le message. Dire qu'on n'a pas honte de faire ce qu'on veut, qu'on est des individus qui articulons la rigueur et la déwan. La rigueur, c'est devant, la déwan, c'est derrière. Et porter le mulet, c'est une expérience. C'est agréable à porter quand il pleut, c'est agréable à porter au vent et c'est agréable à porter en cas de chaleur, tu vois. Et d'ailleurs, quand tu te lèves le matin et que tu portes une coupe mulet, le soleil se lève vraiment. Masque, cheveux, gants, notre apparence n'est plus la nôtre, elle n'a plus les codes qu'on lui connaissait, elle est le reflet de la crise, elle est par là même en crise. On pourra toujours me dire que l'apparence que l'on croit sienne n'est pourtant jamais la nôtre, mais celle d'une époque, d'un héritage génétique, de ce que les autres projettent ou d'un statut social. Là est aussi le problème de cette crise à portée esthétique. Elle est visible, elle se voit, et elle rend visible cet enjeu qu'on connaît tous et toutes, comment faire sienne une apparence qui nous échappe, qui n'est pas seulement le reflet même fabriqué, trafiqué, aliéné de soi, mais d'une situation. Comment travailler, transformer et incorporer ces nouvelles données, en jouer aux yeux des autres et en faire quelque chose de soi, là-dessus, il faut le dire, le Covid en a rajouté une sacrée couche. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinement ou pas, à préparer ces émissions. Manon Delasselle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Clara De Giovanni, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série spinoziste, à la prise de son aujourd'hui Olivier Arnay. Merci au CDM, au Centre de Distribution des Modulations de Radio France qui a assuré la liaison. Merci à Éric Herson-Macarel pour la lecture des textes spinozistes. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de cette série sur Spinoza. Après la liberté lundi, l'état hier et la joie et la béatitude aujourd'hui, demain nous commenterons la phrase célèbre de Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire, et ce sera le spinoziste Pascal Sévrac qui, depuis chez lui, nous aidera à comprendre cette formule. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, au moment de la journée que vous choisirez, et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À demain, 10h. D'ici là, restez chez vous, à l'écoute sur France Culture.